Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Nostalcash. Alors oui, ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de Nostalcash. Je pense que le dernier, c'était celui en live avec Fred Boissou. Fred, je t'oublie pas, j'ai juste pas eu beaucoup de temps pour des lives, mais on remet ça quand tu veux. Enfin, quand je peux, en fait, plutôt. Mais j'oublie pas, n'en fais pas. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, je suis en train d'en enregistrer un, alors que j'en ai déjà un d'avance qui n'est pas encore monté. Donc au moment où vous verrez celui-là, l'autre sera sorti. Mais en fait, l'autre, ça fait déjà 3 mois qu'il attend. Alors si ça se trouve cet été, vous en aurez deux à suivre, mais un qui date de mars-avril et un qui date réellement de juillet. Voilà, parce que là, ça se voit pas, hein, j'étais obligé d'allumer toutes les lumières partout, mais nous sommes au mois de juillet. Et il pleut à verse, et il est midi, et j'ai dû allumer toutes les lumières. Bref, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler cash. Et qu'est-ce qu'on a ramené de cash ces derniers temps ? Pour le coup, j'ai juste fait une seule descente au cash il y a quelques jours. Et avant, j'en ai eu quelques-uns pour mon anniversaire, pour la fête des pères, ce genre de truc. Les gamins, ils ont compris que j'aimais les DVD à la con. Et du coup, bah, ils se font plaisir et ils me font plaisir par la même occasion. Bref, assez d'introduction, on va commencer tout de suite. Alors, celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé. The Legend of Evil Lake. Ouais. Voilà, collection Eisenstar. Donc, en général, la collection Eisenstar, c'est toujours des belles collections. Ça propose le film en belle qualité. Bon, là, il se trouve que le film, je ne sais pas du tout ce que c'est. Derrière, il y a zéro résumé. Bon, je l'ai eu pour 2 euros. Je me suis dit que je risquais pas grand-chose à le prendre. Et on verra bien ce que ça va donner. Ce sera une petite surprise. Et peut-être une bonne. Voilà. Ensuite, il y a Digital Man. Alors ça, c'est les gamins qui m'ont trouvé ça. Voilà, je vous présente le magnifique boîtier. Un magnifique film en 4 tiers avec Adam Baldwin et Mathias Hius, forcément. L'ultime génération de cyborg, une machine impitoyable et incontrôlable. Oui, alors je pense que ça surfe un peu sur Universal Soldier, mais avec des acteurs le cran en dessous, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ça a l'air merveilleux, tout ça. J'ai hâte de le voir. Sans déconner, ça m'amuserait assez, je pense. Tiens, il y avait Adam Baldwin dans Predator 2, je ne sais même pas. Bref. Donc voilà, une sorte de croisement entre, eux parlent de kickboxer et cyborg, j'aurais quand même plutôt dit Universal Soldier, version pas chère. Alors ça c'est la petite, puisque c'est Papa, voilà, c'est un film sur le papa. Donc celui-là je le dois à Loulou. Je sais pas ce que ça vaut, j'en ai entendu pas mal de bien, mais en l'état actuel des choses, un film comme ça, je vais attendre un petit peu que... le cerveau et que mon cerveau et que mon esprit me permettent de passer à autre chose. Donc l'idée est bonne, je verrai bien, mais sans doute un peu plus tard. En voilà un qui risque de ne pas me prendre spécialement la tête, qui s'appelle Memory Run. Aucune idée de ce que c'est, ça semble être une sorte de film futuriste, film de science-fiction, je ne sais pas trop. Science médicale plus peine capitale égale l'ennemi absolu. Ouais. Oui, alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre de ce truc-là. C'est marrant, l'affiche me dit vaguement quelque chose. Alors peut-être que j'avais déjà vu cette affiche au Vidéoclub un jour, je ne sais pas trop. Mais bon, à voir. Hein. À vrai dire, je suis quand même pas confiant sur la qualité du bousin. Ah, en plein, bon, je suis confiant sur l'absence de qualité. Jeff Wincott, combat mortel. Seule la mort fait la différence. Et il y a même une faute d'orthographe. Putain, c'est pas possible. Ce genre d'édition à la con. Ah, en plus, c'est Prisme. J'ai une chance sur deux que ce soit pas le bon film dans la boîte. Est-ce que je regretterais que ce soit pas le bon film dans la boîte? Pas sûr. Qui on retrouve là-dedans? Bon, Jeff Wincott, évidemment. Forcément, parce que sur l'affiche, ici, il y a... comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Mako. On le voit vaguement dans L'Arme Fatale 4, dans Pouvoir de Justice, notamment, aussi. Ouais. Et puis, bon... on verra bien ce que ça vaut, hein, cadeau des enfants encore, là on est dans la pile un petit peu, des cadeaux des gamins jusqu'à... oh, il y en a encore pas mal, hein. Ouais, jusqu'à Narnia, ouais bon, je vous spoil, il y aura Narnia dans l'eau. Bref, donc Combat Mortel, ça a quand même pas l'air foufou. Un autre qui a pas l'air fou, et qui est un film de Menahem Golan, Péril Atomique, avec Joe Lara et Frank Zagarino. Ça parlera peut-être aux copains de chez Aikik, et surtout à Jazz à mon avis, vu la qualité du bousin. Par le producteur de Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris. Oui. Alors, je peux que ce soit un argument spécialement rambeur. Hein. Menahem Golan, sacré réalisateur, pépère. Casting de fou aussi, hein. Joel Lara, Frank Zagarino, décidément, on est servi. On reste chez les Baldwin, Stephen Baldwin, Nick Manfuso, Firepower. Bon, voilà, je pense que tout est dans le titre. Ils ont dû se dire que Backdraft, ça avait marché, qu'ils allaient faire un truc du même genre. J'ai parlé trop vite. Le crime paie à condition de ne pas être englouti par les flammes. On dirait plutôt qu'ils ont fait Puits d'Enfer, mais avec du feu, du coup. Alors, pour le coup, Puits d'Enfer, c'était quand même plutôt rigolo. Alors, si on remplace la pluie par les flammes, ça peut être marrant aussi. Ouais, ouais, ça va voir. Bon, voilà. Franchement, je pense que les gamins m'ont bien cerné quand même. Et je suis pas sûr que je passe un excellent moment devant. Mais celui-là, peut-être une pièce dessus. Des organisations de malfaiteurs. Alors ça, par contre, j'aurais bien mis une petite pièce dessus, pour le coup. Un petit film de Shutterstone, réalisé... produit par John Badham et Catherine Bigelow, quand même. Hein. Catherine Bigelow, ex-Madame Cameron, réalisatrice de Des Mineurs. John Badham, réalisateur plutôt correct et assez... je crois que c'était... Cœur de tonnerre, un truc comme ça. Enfin bon, plutôt carré. Et puis le casting a l'air sympathique quand même. Hein. Bon, je dis ça parce qu'il y a un acteur que j'aime bien dedans, et j'ai oublié son nom évidemment. Lou Diamond Phillips, qui me fait beaucoup rire dans The Big Hit. Donc voilà. Mais celui-ci a l'air quand même assez sympathique. Donc des organisations de malfaiteurs, ça peut être assez drôle. Un petit Gary Daniel avec Chan McQueen, Firepower. Bah, c'était quoi l'autre? Ah, c'était Firefight, pardon. L'autre avec Stephen Baldwin, c'était Firefight. Là, c'est Firepower. Los Angeles 2007, le futur. Oui? Sûr, bien sûr, bien sûr. Avec Gary Daniel de Ken le survivant. Ouais. Ok. C'était peut-être pas son titre de gloire, Gary Daniel, quand même, il a fait mieux. Hein. Enfin bon, voilà. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup de sympathie pour Gary Daniels et bon, je pense que le film il va voir grâce à lui. Il vaudra au moins quelques cacahuètes. Le monde de Narnia, chapitre 1. Donc, ça, c'est un choix de Louloute qui voulait pas m'offrir que des films de merde et qui s'est dit tiens, quand même, celui-là, je pense qu'il va être bien. Pour le coup, j'ai jamais vu le monde de Narnia. Je pense pas qu'elle ait tort dans le fond. Hein. Je pense que ça doit être relativement sympathique. Et je pense qu'on regardera même ensemble. Et effectivement, dans l'eau, il y a des chances que c'était le meilleur film, peut-être avec papa. Voilà. Donc ça, c'était un peu les cadeaux des gamins. Hein. C'est pour ça que je suis un peu moins prolixe dessus. Je les connais pas, je les ai pas spécialement choisis. Donc c'était un peu... voilà. Par contre là, c'est moi qui les ai choisis, ceux-là. En connaissance de cause. Malabar sur le Nil, avec Bud Spencer. Bon, bah, de toute façon, j'en ai jamais fait mystère, hein. J'ai beaucoup d'affect pour les films de Terence Hill et Bud Spencer, et même quand ils sont tout seuls. La carrière de Bud Spencer étant quand même nettement moins intéressante que celle de Terence Hill, mais il y a quand même des trucs sympas. Il y a Banana Joe, par exemple, que je trouve particulièrement rigolo, et je ne désespère pas un jour de tomber sur la pépite de Bud Spencer, où je pourrais me dire, ouais, quand même, il n'est pas si mauvais, enfin, pas il n'est pas si mauvais, parce que les deux ensemble sont quand même très bons, mais où je pourrais me dire, ouais, quand même, c'est son tir au pantin, en quelque sorte. Non, je plaisante, ce sera jamais un Joe Pantin. J'espère pas qu'il ait fait ça. Bref, Malabar sur le Nil avec Bud Spencer. Et pour 3 euros, j'avoue que je me suis peut-être un peu trop lâché. J'aurais peut-être pas dû l'acheter 3 euros, c'est vrai. Alors, Chaos, Wesley Snipes, Jason Statham, 1 euro. Ça va, ça me paraît pas trop mal. De mémoire, c'est un film à faux semblant, pseudo-film à twist. Et je crois que c'était relativement sympathique, mais qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de bagarres dans le lot. C'est dommage, parce que Statham face à Snipes, ça aurait pu être sympathique, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de baston dans ce film. Voilà, petit point négatif par rapport aux attentes qu'on peut en avoir, en tout cas. Chronos, le premier film de Del Toro, pour 50 centimes. Alors, j'espère que l'édition est plutôt chouette, mais je me dis que s'il est à 50 centimes, c'est que l'édition ne doit quand même pas être folle. Et bah ouais, premier film de Del Toro, donc celui-là je ne l'ai jamais vu, une variation du mythe du vampire, qui a l'air quand même d'être très très sympathique, et bah, comme souvent quand c'est Del Toro, ça doit être quand même assez beau et assez bien écrit. Donc bah voilà, j'ai hâte de pouvoir le regarder tranquillement. Alors que je dis ça, ça se trouve je ne regardais que dans 2 ans, comme Crimson Peak qui est encore en train d'attendre sur l'étagère, mais qu'importe, il est là, et je sais que le jour où je voudrais le voir, je pourrais le voir. Là, je suis très content d'avoir trouvé Chronos. Alors, Interceptor. Que dire quand j'étais au cash, Sixties est venu avec moi, et en rigolant, elle me montre celui-là, disant « Ah bah tu vois ça, je leur ai conseillé au gars de te l'acheter pour ton anniversaire, ou un truc comme ça. » Oh, je dis « Oh quand même, ça a l'air d'être de la merde, et... Oh tiens, il y a Bruce Payne. Oh, il y a Lance Erickson. Oh bah vas-y, je vais le prendre. » Voilà, 50 centimes, je prends pas un gros risque. Ça a l'air d'être très très con, mais s'il y a Bruce Payne et Lance Erickson, bah pour le coup, il y a peut-être de quoi rigoler. Il nous parle de quoi? Donc, Skiller menait une vitesse supersonique. Oh ouais! C'est un peu l'ancêtre de Furtif. Ça pourra pas être pire que Furtif. Allez, on continue. Dans les griffes du dragon rouge. Bon, alors Jazz me l'a déjà dit, pour 8 euros, je me suis peut-être un petit peu enflammé. C'est vrai. Mais ça fait un moment que je voulais le voir, ça fait un moment que je le vois au cash à ce prix-là et qu'il n'a pas baissé. J'ai fini par céder à l'envie de voir le film et je l'ai payé 8 euros. Bon. Voilà. Après, je ne veux pas dire que je regrette. Hein. Film de Brandon Lee, avec, enfin, film avec Brandon Lee, pardon, pas deux, mais avec, et Dolph Lundgren, ça ne peut être que sympathique. J'ai énormément de sympathie pour Brandon Lee, je suis content de le voir dans un autre rôle que The Crow, parce que, personnellement, je crois bien que j'ai vu que The Crow avec lui. Et voilà, je me demande ce qu'il vaut dans un autre genre de film. Après, bon, réalisé par Mark Lester, hein, donc ça va quand même pas chier bien haut, on va pas se le cacher, on n'est pas sur du chef-d'œuvre, mais ça peut être relativement fun. Et c'est important aussi, surtout en ces temps un petit peu troublés. Enfin, si vous suivez mes autres flux, vous savez. On continue. Oui, mais il y en a presque 40. Hein, alors, on va peut-être passer la seconde, je ne voudrais pas dire, mais il est déjà un petit peu tard. Braquage à l'américaine. Alors oui, je sais, l'affiche a l'air un peu dégueulasse. Ça fait assez générique et à vrai dire, c'est pas tellement vendeur. Mais quand même, quand on regarde les noms dessus, Tom Béranger, Burt Reynolds, je me dis que ça peut être relativement cool. En plus, il y a une histoire de cinéma qui se mélange au milieu, de Las Vegas. Ouais, moi, je pense qu'il faut laisser sa chance au produit. Et puis, pour 1€, je me suis pas ruiné. Et puis, bah, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques gueules. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Tom Béranger hein, depuis The Substitute et les One Shot. Donc, bah, c'était l'occasion d'essayer. J'ai jamais entendu parler de ce film. Je n'ai jamais rien vu dessus non plus. Bouf, c'est réalisé par qui, ça? Sonk Wartman. Bien. Eh ben, je ne connais pas ce monsieur, mais bon, on verra bien ce que ça vaut. Au pire, si c'est pas bon, bah, ça rejoindra la pile des DVD punis, ils iront à la cave. Voilà. Ah, ça, je sais que c'est plutôt fun. Doberman, film français de Yann Kounen avec Vincent Cassel. Putain. À l'arrière du boîtier, il y a le Doberman en 3D du début du film, et c'est là que je me dis que le film a quand même vieilli. Hein. C'est pas fou. Le Doberman est franchement dégueulasse. On dirait un petit peu les scorpions de... du film avec Kevin Costner et Kurt Russell, Destination Graceland. J'aime beaucoup Destination Graceland aussi d'ailleurs. Donc, Doberman, si vous avez jamais vu, c'est un des premiers films de Yann Kounen, voire peut-être le premier long métrage. C'est assez violent, c'est assez barré. Checky Cario est dingue, Vincent Cassel aussi, et Romain Duris n'est pas aussi énervant que d'habitude, donc c'est plutôt pas mal, en fin de compte. Ça a bercé ma jeunesse, je suis vraiment très content de l'avoir retrouvé, je dois avouer. Je sais pas trop à quoi m'attendre en le revoyant, mais bon, je suis content de l'avoir retrouvé. Je vais peut-être les mettre par terre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Ah, mais on se voit mieux quand même. Alors, on continue. Little Nicky 2 et avec Adam Sandler. Je sais pas si j'ai déjà dit, personnellement, je n'accroche pas du tout à Adam Sandler. C'est un humoriste qui ne me fait pas rire. Ses films, en général, ne me font pas rire. Sauf Little Nicky, qui a quelques saillies, on va dire, qui m'ont fait pas mal rigoler, et qui a un petit côté, je trouve, assez South Park, à l'époque où South Park se moquait, enfin, à l'époque où Satan avait sa place dans South Park, en tout cas. Et, bah, en tout cas, j'ai un très très bon souvenir de Little Nicky, donc je suis content de l'avoir retrouvé. Peut-être que, comme Doberman, à l'arvoyeur, je vais me dire, oh putain, dans quoi j'ai mis les pieds. Mais, en l'occurrence, j'ai de bons souvenirs de celui-là, je serais assez content de le revoir. Et peut-être que ça me... comment dire... Et peut-être que ça va un petit peu remonter le niveau, salut le chat, de Pixel. Hein, Pixel qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé, que j'avais rentré comme un glavio dans la gueule. Peut-être que revoir Little Nicky va me faire réévaluer un petit peu l'ami Adam Sandler à la hausse. Je suis pas confiant, hein, parce que j'ai vu les autres aussi, c'était pas glorieux. Oh oui, mon chacha. Ouais, regardez ça, s'il est beau le chacha. Viens là, hop, t'as dit bonjour. Ah oui, maintenant que tu viens en gazette, faut que tu viennes aussi pendant le nostalcash. Bonjour! Et tu t'en vas maintenant. Voilà, non, Chacha, ne va pas faire tomber le téléphone. Alors, on continue. Démoniaque, Talia Shire et Jack Coleman. Alors, sur le coup, quand j'ai acheté, j'ai cru que c'était Gary Coleman. C'est pour ça que j'ai acheté. Et bon, c'est pas le cas, hein. J'aurais dû mieux lire. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, un espèce de pseudo-thriller érotique. Donc sans Gary Coleman, du coup, ça va être un peu moins fun, je suppose. Voilà, donc ce sera à voir. Par le producteur du Dentiste, hein, qui était déjà pas un chef-d'œuvre, avec un visuel qui aussi entre Le Beau-Père et 9 semaines et demie. Ouais, 9 semaines et demie. Bref. On verra bien ce que vaut ce démoniaque, mais à mon avis, ça va pas très loin. Après, pour 50 centimes, je me suis pas ruiné. Un petit classique. Bon, je l'ai pas vu. Machine Gun avec Gigi. Moi, j'aime bien Gerard Butler. Et de manière générale, c'est un acteur que je trouve relativement sympathique. Allez pas me demander pourquoi, j'en ai aucune foutue idée. Mais quand je vois dans un film, le capital sympathie du film monte toujours un petit peu. J'avais vu dernièrement dans le truc La Malédiction de la Momie, là, qui était tout nul, mais il y avait Gerard Butler, donc c'était plutôt sympa au début. Le Règne du Feu, le film est plutôt sympa, il y a GG. Ensuite, sa petite carrière action star, bon, elle n'est pas vraiment déplaisante. Il n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'il a été dans Que Justice Soit Faite, par exemple. Mais bon, ouais, il assume son rôle, j'avais beaucoup aimé son par Anti-Gang. Un film qui ressemblait beaucoup à Anti-Gang, du coup. Criminal Squad, qui était très sympa. Donc voilà, l'histoire vraie est incroyable de celui qui affrontait les milices les plus violentes d'Afrique. Ouais, l'histoire vraie est incroyable, on lui dira. En tout cas, pour un euro, je prends pas beaucoup de risques et je pense quand même que le film sera pas si mauvais que ça. Ah, bon, celui-là, je sais qu'il est bien, hein, on en a parlé dans le Bandcast, Mr. Bean, le film. Voilà, je l'ai acheté surtout parce que on en a parlé dans le Bandcast, justement. Jojo me disait... Ah, excusez-moi, c'est le chat qui perd ses poils. Jojo me disait que oh, bah, c'est dommage, on ne l'a pas, etc. Et ben écoute, voilà, il est arrivé, je l'ai. Maintenant, il est à la maison. Et je dois avouer que moi, le film me fait beaucoup rire. Il me fait vraiment beaucoup rire. J'étais pourtant pas tellement accro à la série, mais le film me plaît quand même bien. Je le trouve assez sympathique. Alors là, on est sur du grand film, pardon du peu, Dans ses yeux, film argentin. Vraiment, excusez-moi pour les poils de chat, j'avais pas prévu ça. C'est assez désagréable. Je suis en train de chercher qui est le réalisateur. Juan José Campanella. Donc je ne le connais pas. Mais, enfin, je ne le connais pas. Je crois que c'était le réalisateur des 9 Reines. Ou l'acteur des 9 Reines qui joue dedans. Bref, le polar argentin a eu une heure de gloire qui a peut-être pas duré très très longtemps en Europe. Mais il a produit Les 9 Reines et Dans ses yeux. Et Dans ses yeux, ce film-là, c'est une pépite. C'est vraiment une merveille de polar noir. C'est d'une... je sais pas comment dire, parce qu'on n'est pas sur le polar comme Machine Gun, comme ce genre de truc extrêmement action, violent, etc. On est sur un truc qui est plutôt posé, qui est plutôt dur quand même, et dont la fin laisse réellement KO. Hein, et pas physiquement, comme on peut voir certains films d'action comme The Red Wolf, mais la fin te laisse quand même bien... ouais, elle vaut ce qu'elle vaut. Le film est vraiment très très bon. C'est un excellent film, et je suis très très content de l'avoir trouvé pour 1€. J'aurais même été content de l'avoir trouvé pour 6. C'est pour dire. Ouais, comme j'étais dans ma bordée Wesley Snipes, je me suis dit, et que j'ai vu L'Art de la Guerre, et ben je l'ai pris. Je crois pas l'avoir vu, ou alors si je l'ai vu, il m'a vraiment pas marqué parce que je l'ai déjà oublié. Donc, ce serait une redécouverte au cas où. Sinon, ce serait une découverte totale, je sais pas trop. Je sais pas ce que ça vaut, je vois sur les photos que Wesley Snipes a l'air d'avoir les cheveux, enfin plus que d'habitude. Rien que pour ça, c'est peut-être un petit peu comme Nicolas Cage, hein, plus il a le cheveu et plus c'est loupé. Mais de manière générale, j'aime bien Wesley Snipes, j'aimais bien à l'époque où il était au sommet de sa carrière, on va dire, avec Blade et tout ça, et je crois que ce film-là est à peu près de cette date-là. Donc ça devrait être plutôt sympathique, L'Art de la Guerre. Haute Voltige, Sean Connery et... oh mince, comment elle s'appelle, Madame Douglas? Catherine Zeta-Jones. Pourquoi je l'ai acheté? Je sais pas trop, en fin de compte. Je sais que j'ai souvent trouvé que ce film était un peu bêta, était pas forcément exceptionnel, mais comme c'est un des derniers Sean Connery et qu'il est quand même mieux que la Ligue des Justiciers Extraordinaires, je me suis dit que ça serait peut-être bien de l'avoir. Voilà, c'est quand même mieux que la Ligue des Justiciers. Et puis, de mémoire, je crois que c'est un film qui plaisait bien à mon père, que mon père avait trouvé relativement sympathique, et je pense que ça me fera plaisir de le revoir. Ouais, puis pour 1€, ça fait pas cher le souvenir. Demon House, eh ben, achat à la jaquette, hein, tout est dit. Voilà, vous voyez cette magnifique jaquette, 50 centimes, toutes les années 80 sur quelques centimètres. Franchement, oui, enfin, je dis, oui, ça marche pour ceux qui vont regarder sur YouTube. C'est vrai que pour la version podcast, ça va être moins parlant. Bah, du coup, pour la version podcast, je vous invite à aller voir la version YouTube, hein, je suis désolé. On a vraiment une vieille cassette des années 80 que je pouvais trouver dans mon vidéoclub. Et alors derrière, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça sent les effets spéciaux fantastiques, ça sent le bon gros latex. Et j'allais dire, moi j'aime bien le latex, mais ça pourrait être mal interprété. Bref, 50 centimes, c'est pas un gros risque. L'avion de l'Apocalypse de Umberto Lanzi, presque 5 euros. Ouais, je me suis pas mal lâché en fin de compte sur les prix. Normalement, j'aurais pas acheté un film 8 euros ou un film 5 euros. Mais l'avion de l'Apocalypse d'Umberto Lanzi a quand même une sérieuse réputation. Et bah écoutez, je sais pas, la jaquette m'a vraiment bien parlé. J'adore la jaquette. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Voilà. A priori, on est encore sur du film de zombies italien. Ça sent le truc un peu cracra. Je pense que je vais pas regretter mon achat quand même. Ah, excusez-moi, le poil de chat. 16 blocs, un des derniers Richard Donner, je crois. Un des derniers bons Bruce Willis aussi à mon goût. Je trouve que vraiment Bruce Willis est très très bon dans celui-là. Il aurait fait un meilleur Die Hard 4 que Die Hard 4. Donc, ben voilà, j'en avais un souvenir très très bon, mais assez flou. Je me ferai un grand plaisir de le revoir, je pense assez rapidement quand même, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce 16 blocs. Et puis pour 1 euro, bah encore une fois, je prends pas grand risque. Enfin, à force de dire ça, je me retrouve avec presque 200 films d'avance que j'ai pas encore vu, où je me dis ouais, je prends pas un grand risque. Et au final, j'ai plein de films que j'ai pas vu, et de toute façon, c'est un investissement à la con si je les regarde pas. Bref, j'arrête de m'engueuler tout seul. Je vais continuer la liste, et un jour j'arrêterai d'acheter des films parce que j'aurai plus de place, quoi. Bref, à couteau tiré, Anthony Hopkins, Adam Baldwin, enfin, ou un Baldwin en tout cas, je ne sais pas lequel. Il y a eu peut-être un truc avec les Baldwin cette fois-ci d'ailleurs. Hein. Donc, un film où Anthony Hopkins et Adam Baldwin se battent contre un ours avec des pierres, grosso modo. Ça va un peu plus loin que ça, hein. Je crois qu'il y a toute une histoire d'un qui tue la femme de l'autre, dont il était l'amant, enfin bon. Il y a tout un truc policier derrière, je me souviens plus de tout, je me souviens juste que c'était pas mal, et encore une fois, c'est un film que mon père aimait beaucoup. Et encore une fois, bah, comme pour le Voltige, en tout cas, à 1 euro, ça fait pas cher le souvenir. Et puis bon, bah. Voilà. Bref, ensuite, allez, l'expert Sharon Stone et Stallone. Probablement pas un des meilleurs Stallone, mais comme j'ai pas beaucoup de Stallone en DVD, j'en ai quelques-uns. Hein, j'ai Get Carter, j'ai Detox, j'ai les meilleurs, quoi. Je me suis dit que l'expert ça pouvait être rigolo. En plus de mémoire, l'expert était quand même plutôt efficace, plutôt sympathique. Et je vais pas souvenir de tout. Je crois que je me souviens d'une scène dans le bus avec des petits loupards qui faisaient chier une grand-mère qui était plutôt rigolo. Donc ce sera un truc à revoir avec un certain plaisir et une bonne bière, je pense. Ah, alors là, on touche au chef-d'œuvre. Non, je déconne, j'en sais rien. Face à face avec Christophe Lambert. Christophe Lambert fait partie de ces acteurs où, dès que je vois un film avec Christophe Lambert, j'achète le DVD. Et souvent, j'allais dire, je suis déçu. Non. Souvent, le film n'est pas bon, mais je m'y attendais. Et je suis content de voir Christophe Lambert quand même. C'est un peu ambigu, hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais quasiment à chaque fois, les films sont nuls, mais j'aime bien Totof. Alors du coup, ça fait passer le film pour un truc un peu plus sympathique. Le seul que j'aurais peut-être un peu honte à racheter si je le voyais passer, c'est Hercule et Sherlock. Là, j'assumerais peut-être pas à fond. Mais bah celui-là, en plus, il a l'air pas mal, hein, franchement. On va peut-être sur du bon film. J'aimerais bien revoir aussi Fortress, un de ces quatre. Je pense qu'il me tombera dans les mains un jour ou l'autre. Mais à mon avis, je mettrais bien ma petite piécette dessus quand même. Ça a pas l'air mal, ce truc. Voilà, donc j'ai déjà dit, moi, je cherche Anaconda depuis longtemps. Anaconda. Là, l'autre jour, j'ai trouvé le 2, le 3, le 4. Impossible de trouver le premier. Par défaut, j'ai pris Python. Voilà. C'est pas le même serpent, je sais. C'est pas pareil. Et putain, rien qu'à voir. Rien qu'à voir l'affiche, ça va être mauvais. Hein. Ça va être très mauvais. Mais en même temps, je crois que j'ai Boa et j'ai Boa versus Python. Alors ça me permet d'avoir un peu la totale, quoi. Moi qui suis un peu complétiste. Oh la vache. Et puis quand je vois qu'il y a Casper Van Dien, Robert Englund, punaise. Ça va être bien. Je pense que je vais me régaler. Ouais, mais il va falloir quelques bières pour que ça passe. Hein. Ah, Piégé dans l'espace avec Olivier Gröner. Donc je ne connais pas ce film, je pense que ça va pas être bon, mais comme j'avais aucun film avec Olivier Gröner, c'était l'occasion d'en avoir un. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut, ça fait longtemps que j'entends parler d'Olivier Gröner sans avoir vu un seul de ses films. Et c'est l'occasion, et je crois que celui-ci, comme Python d'ailleurs, a dû me coûter 50 centimes. Ah, en 99, pardon. Voilà, je vais pas dire toujours, à ce prix-là, je prends pas un grand risque, je sais, j'ai plus de place, etc. Mais bon, voilà, ça me fait un film avec Olivier Gröner, on verra si c'est bien ou pas. Ouais, j'ai un doute, hein. Je suis bien d'accord, mais bon, on verra ce qu'il en sort. History of Violence, David Cronenberg, Viggo Mortensen. Et de mémoire, j'avais adoré ce film. Je crois qu'il y a Maria Bello aussi dedans, ouais, ça, Maria Bello et Daris. De mémoire, j'avais adoré le film et j'avais été tellement, surpris quand j'avais lu la BD dont c'est adapté, qui est bien plus violente, bizarrement. Alors que d'habitude, Cronenberg est très axé sur la torture, mais la chair torturée, la transformation de la chair et tout ça. Il n'a pas été dans la même direction que la BD. Ça donne une lecture un peu différente du truc. Et du coup, je trouve que les deux, la BD et le film, se répondent parfaitement et se complètent très très bien. Si vous avez vu que l'un ou que l'autre, je vous conseille grandement de voir celui qui vous manque. C'est vraiment très très bien. Et je suis vraiment très content d'avoir trouvé History of Violence pour un petit euro symbolique. Richard Gere, Bruce Willis, Le Chacal. Alors ça, j'avais souvenir d'un film qui ne m'avait pas plu du tout. Ouais, et pourquoi le racheter si j'avais souvenir d'un film qui ne me plaît pas du tout? Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je le reverrai bien pour voir si en fait c'est toujours nul ou pas, en fin de compte. Et je me souviens qu'un des principaux reproches que j'avais à l'égard du film, c'est que ça me faisait bizarre de voir Bruce Willis en méchant. Et si c'est que ça, c'est pas terrible comme justification pour dire que le film m'a pas plu. Donc voilà, je le reverrai. Oui, puis j'aime pas Richard Gere aussi. Enfin, ça c'est une autre histoire. Donc je le reverrai, puis je me referai mon petit avis tranquillement. On verra bien. Encore un Del Toro, encore un que je n'avais pas, L'Échine du Diable. Par contre, je l'ai déjà vu, je l'avais vu à l'époque au cinéma, puis sur Canal quand il était repassé. Ce film est magnifique et je vais encore chialer toutes les larmes de mon corps. Je le sais. Voilà. Donc j'ai d'autres Del Toro que j'ai pas encore vu du tout à voir d'abord, mais celui-là j'y reviendrai. Et je sais que je vais reprendre ma claquasse. J'adore L'Échine du Diable. C'est avec Le Labyrinthe de Pan. C'est les deux Del Toro qui m'ont réellement le plus touché et remué, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais ces deux-là m'ont vraiment secoué. C'est des films qui comptent, on va dire. Et enfin, parce qu'il faut bien finir, et oui, ça fait un petit moment qu'on est là quand même. On s'ennuie pas, on va finir avec Mise à Prix 2. Alors j'ai le premier quelque part, je l'ai toujours pas vu. En fait, c'est de l'action, c'est du carnage. À mon avis, ça va être sympathique. Le deuxième, je ne sais pas. Oh la vache. J'allais dire, je ne sais pas qui est derrière. PJ Pesquet, je crois que c'était lui qui avait aussi fait Vampire 2, qui était vraiment très mauvais. Il y a des chances qu'il ne reprenne que les gimmicks visuels propres à Kernan, sans comprendre pourquoi Kernan fait ça. Donc c'est un peu dommage, ça marchera moins bien. Mais je vois au cast un Vinnie Jones, je vois un Tom Béranger, un Terry Crew, j'ai l'impression. Ça peut être fun quand même. Donc à voir. Pareil, j'ai payé ça de balles. On verra bien. Je me ferai peut-être une petite soirée avec Mise à Prix 1 et 2 d'affilée pour voir ce que ça vaut. Et voilà, on arrive à la fin de ce Nostalcash. Et je vous remercie d'avoir patienté jusque-là. Je suis désolé de m'être gratté le pif toutes les 3 secondes à cause du chat. Vraiment navré. Pour ceux qui ont que le podcast, et vous avez au moins cette chance-là. Je vous enjoins donc à suivre un peu tous mes flux podcastiques parce qu'on faisait le point avec Dany l'autre jour. Il y en a quand même pas mal. Hein. Si vous aimez les histoires d'horreur, par exemple, on va voir les potes de la clip avec Sixties. Si vous aimez jouer et les musiques de films, on a le Blindcast, hein, toujours avec Sixties, et puis souvent avec des invités. Si vous écoutez Galaxy Pop, on fait la Gazette avec Dany. Si vous voulez m'entendre gueuler, râler, et que vous avez un besoin cathartique d'entendre quelqu'un râler à votre place, je vous enjoins à aller écouter les nouvelles chroniques de l'année ordinaire. Si vous aimez parler de ciné et un peu plus longtemps et un peu plus en détail que ce que je viens de faire là, eh bien j'ai les deux branques avec le corbeau. Oui, ça commence à faire beaucoup, hein, je m'en rends compte aussi. Si vous aimez Pierre Desproges, j'ai un podcast avec l'ami Mergrine où on parle de Desproges, il s'appelle Étonnant Non, sur le flux de Planète of the Tapes de Mergrine. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'en fais beaucoup trop. Oui, il y a Nostalgie qui va reprendre en septembre, donc on va reparler jeux vidéo, plus ou moins rétro. Enfin, ils sont tous rétro finalement, mais ça me fout un petit coup de vieux de le dire. Et dans cette catégorie nostalgique, il y aura aussi un let's play consacré à Dark Souls 2 qui sera un hebdomadaire. Voilà. Et sinon, bah, n'oubliez pas de vous abonner à YouTube. Je suis peut-être pas régulier, mais j'essaie d'être le plus souvent là possible. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous! Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Pop.